Jean Giono, Le poids du ciel. Chapitre 1er, Danse des âmes modernes. Vous avez cru faire une œuvre considérable en soignant votre peau, mais votre âme est couverte d'eczéma. Elle se gratte tout le temps avec ses grands ongles noirs. Tout ce qu'elle mange, elle le prend avec ses griffes pleines de crasse et des écailles du mal. Elle parle avec une gorge lépreuse. Elle a des cuisses qui ne sont jamais lavées d'aucune époque. Elle conçoit dans la pourriture. Elle fait des avortons tout irrités de dermatose que vous prenez pour des fleurs. Ses yeux nourrissent les mouches. Elle ruisselle de sani et de gomme comme les cerisiers malades. Elle souille les prés qu'elle traverse. Les arbres qui la touchent du bout des branches recroquevillent leurs feuilles comme s'ils avaient touché du feu. Les ruisseaux s'assèchent devant elle comme si elle soufflait le vent de l'apocalypse. La pluie fume sur ses plaies bouillantes. Son odeur tue les oiseaux au fond des hauteurs. Vous la voyez, portant autour d'elle la terreur et la mort. Mais vous croyez que c'est la marque de sa divinité. L'âme est la composante de tout. Elle organise, elle ordonne, elle unit, elle rejoint, elle se marie, elle se mélange. Pure, elle attache les hommes solitaires dans la compagnie du monde. Elle en fait comme des oiseaux couverts de racines. Je joins raisonnablement ces deux mots dont l'un est vélocité, l'autre immobilité. Un, l'image même de la danse, de la joie, de l'heureuse vanité du vent. L'autre, l'image de la plantation, de la cimentation, de la crispation profonde, de la force éperdue qui serre le monde matériel. L'image de l'amour féroce, l'image de la nourriture. Oh, l'homme solitaire est devenu alors comme un courlis, comme une mésange, une fauvette, une alouette ou une huppe, ou bien ces jets qu'on voit passer à travers les rayons du soleil, si mordorés de plumes qu'on peut croire qu'ils décomposent la lumière comme des blocs de verre. L'homme devient cet habitant de l'air quand il a l'âme pure. Il devient même l'habitant d'un monde bien plus subtil que l'air. Et ce qui paraissait être le vide, où nul ne pensait pouvoir appuyer de la vie, c'est pour lui le milieu le plus habitable, le plus nourrissant, le plus savoureux, le plus joyeusement solide. Il n'est plus question de solitude humaine, de conditions humaines, de toutes ces grandes illusions, sévères et puantes comme des cadavres verts qu'on a créés il y a longtemps, en même temps que les lois spirituelles. Il n'y a plus que solitude cosmique, condition cosmique de l'homme. Une position naturelle dans le catalogue des matières où c'est d'une belle vanité que de se plaindre, puisque toutes les plaintes ne modifieraient rien. C'est si évident que même l'intelligence l'entend. Où la plus grande gloire, et qui touche immédiatement sa récompense, est de comprendre la succulence extrême de cette position et d'en jouir, car c'est exactement ce que la nature entend par vivre. Une âme pure est violemment rejetée en dehors de toutes les lois spirituelles. La crasse d'âme est très ancienne. Dans les plus vieux livres de contes qui nous ont été transmis, la Bible, l'Odyssée, on trouve parfois dans la popularité du texte des traces de petites poésies involontaires qui sont encore de la propreté. Mais bien avant ces temps-là, il aurait fallu soigneusement lessiver et frotter les coins de poils et les endroits travailleurs de l'âme, où, naturellement, elle se salissait plus vite. À l'époque de la création des lois spirituelles, elle était déjà devenue une sorte de conte d'orgasme, un flot de pus serré dans une armure inutile, dont l'acier même a l'air de vomir, effondrée entre les bras des prêtres et des nobles. Seulement, le consolant, quand on regarde l'enterrement du comte d'Orgas, c'est qu'il est mort et qu'il s'en fout, et qu'au fond, il est le grand vainqueur de tous ces évêques et de tous ces soldats qui sont là, à ne plus savoir que faire de cette pourriture crustacée dont ils ont plein les mains, essayant de s'en débarrasser les uns sur les autres comme des pitres englués dans du papier tumouche. Mais l'âme, instinctivement, encore une fois, et malgré vos philosophes, vous êtes arrivé à savoir qu'elle est immortelle. Oui, elle est immortelle. C'était Le poids du ciel de Jean Giono, lu par Denis Podalydès de la Comédie-Française.